musique a changé, oh. Ça venait bien vilo. Ils comprennent pas pourquoi je t'ai choisi. Yeah, j'ai fait de toi la femme de ma vie. On dit que tu sais pas plus les foutous, mais est-ce que l'amour connaît foutou, oh. C'est toi, je veux un point, c'est tout, oh, yeah. Faut regarder, ils vont pas les fatiguer. S'ils disent ça va pas durer, faut pas les écouter. Les gens nous ont chargés, moi-même je suis étonné, oh. Notre amour, on mange là, on va leur servir un peu, oh. Pardon, appelle tes copines, dis-leur de venir voir. Tu es devenue ma dame. La bague au doigt, tu as changé de championnat, hey. Tu es devenue ma femme, hein, ma femme. C'est toi ma dame, hein. Bébé, faut leur montrer ta bague, hein. Tu es devenue ma femme, hein. Tu as changé de championnat, faut porter le brassard. Pardon, appelle ta copine. Tu es devenue ma dame, oh, oh. Bébé, faut leur montrer ta bague, hein. Tu es devenue ma femme, hein, ma femme. Tu es devenue ma femme, ouais. La meilleure de ta voix. Tu es devenue ma dame, je suis le salaud que t'as sauvé. Lui montre-leur ta bague, Vivi, c'est le diamant. Dis-leur qu'il n'y a pas de blague, ton mari c'est le plus canon. Le droit au plus beau mariage, mais t'as assez patienté. Le plus beau mariage, j'ai dit, François, pas stressé. A plus beau mariage, vois ton ex en dépression. Plus beau mariage, lève mon verre à ta son. Appelle tes copines, dis-leur de venir voir. Tu es devenue ma dame. Bague au doigt, tu as changé de championnat. Tu es devenue ma dame. C'est toi ma dame. Mais faut leur montrer ta bague. Tu es devenue ma femme. Tu as changé de championnat. Faut porter le brassard. Pardon, appelle tes copines. Tu es devenue ma dame. Bébé, faut leur montrer ta bague. Molle de bété, joli te, sirène à lingue, baby. N'a qu'au foot à tante. Papa et maman, bénédiction. Voilà la jolie gola, elle a pris mon cœur. Nous deux, connaissez fort. Allez, viens me connaissez.